en marchant le soir. J'en baissin des filles aux vitres des bars, cachées dans la nuit avec des vampires tout en noir. Je trouve pas ma place. Je trouve pas.